Exercice 8, page 124. A. Je déjeune en famille. B. Je ne mange jamais de grenouilles. C. J'adore le mois de juillet. D. Je ne travaille pas jeudi. E. J'étudie le Moyen-Âge. F. Je n'aime pas voyager.